À Lévis, il y a quelque chose de gros qui se passe. C'est une élection partielle. Ouais, Dominique, moi, je pense que les gens, puis tu l'as mentionné toi-même au début de la semaine, les gens en ont assez. Il s'agit d'ouvrir les lignes pour s'en rendre compte. C'est facile à voir, c'est facile à entendre. Il y a une colère, il y a une frustration, que ce soit le projet de loi 3, ça peut être ça, mais que ce soit le ministre Bolduc qui se met 250 000 dans ses poches, il y en a, les exemples n'arrêtent pas. Le régime de retraite des députés à l'Assemblée nationale, qui est le régime chromé. Qui n'a pas été changé. Ça continue de voyager. Absolument. Les nominations politiques encore dans les délégations. Alors les gens ont besoin d'une voix différente qui va leur dire, qui va aller à l'Assemblée nationale puis qui va essayer de représenter vraiment les gens de classe moyenne. Et c'est pour ça que le Parti conservateur existe. C'est pour ça que je suis chef du Parti conservateur. Et il y a une opportunité actuellement avec l'élection partielle à Lévis, avec la démission de M. Dubé. M. Dubé, tu sais, je trouve ça un peu contradictoire. J'écoutais François Paradis, qui est candidat de la CAQ, là, qui trouve ça coûte cher une élection partielle. Puis, tu sais, si Mme Jones se présente, il va peut-être avoir une élection partielle au municipal parce qu'elle vient du municipal. Mais rappelons que la CAQ a causé, ou la démission de M. Dubé a causé une dépense de 400 ou 500 000 piastres pour les contribuables. Pas de contredire. Es-tu capable de le contredire, Jean-Claude? Non, pas M. vraiment. Dubé a causé ça, effectivement. C'est confirmé. Et tu sais, des fois, je me dis, est-ce que la CAQ devrait, si elle veut donner l'exemple, parce qu'elle peut pas rien faire parce qu'elle est pas au pouvoir, mais là, elle est dans l'opposition, elle pourrait peut-être donner l'exemple en disant, bah, moi, je vais rembourser la moitié du... Je vais assumer 250 000 pièces. Tu lances un challenge? Je lance un challenge à M. Legault parce que je vais me présenter à Lévis. Pardon? Oh. Je me présente à Lévis. Wow! Parce que je pense que ça... Tu te présentes comme candidat du Parti conservateur à Lévis. Tu annonces ça ce matin. Live. Sur More Live. Wow! Là, donc, tu repars en campagne. Tu as fait campagne dans la région de Québec. À Montmorency. Et là, tu te présentes dans Lévis. Quelles seront les priorités pour toi dans Lévis? Il y a quand même plusieurs trucs intéressants, dignes de mention. Ouais, je dirais que c'est sûr que notre programme, c'est un programme général, mais un peu tout notre programme s'applique dans tous les comtés. Mais je pense que la dynamique à Lévis, entre autres, il y a toute la question du transport puis du fameux troisième lien. Madame Jones annonçait cette semaine qu'elle avait hâte de lire l'étude. Qui n'existe pas. Eh bien, moi, je t'annonce, Dominique, que j'ai lu une étude. Ouh. Qui existe? Qui existe. Il y a une étude qui a été faite à la fin des années 90. C'est vrai, j'ai vu, moi aussi, ouais. Qui a été faite par TechSult, qui est maintenant Econ, je pense, ou en tout cas, qui a été changé. Et c'est une brique, là. Moi, je suis pas un ingénieur, je suis pas... Mais j'ai lu ça, et en lisant ça... Es-tu pour? Ben moi, je veux absolument qu'il y ait une nouvelle étude. Il y a des nouvelles technologies de construction. Il y a des nouvelles façons de faire moins chères, parce qu'il y a une question... Parce qu'elle est vieille, l'étude, à date. Ouais, c'est une vieille étude, mais, tu sais... Qu'est-ce qui pourrait jouer? Quels sont les facteurs qui pourraient jouer sur ta décision d'être pour ou contre? C'est le coût de construction? Ou c'est l'impact économique à cause de... Ben, moi, c'est un PPP. La dérivation du trafic au bout du compte. Ben, c'est un PPP. Toi, il y a un péage là-dessus. Comme à Montréal, le pont Champlain. Ouais, la différence ici, c'est que c'est un nouveau lien, alors que le pont Champlain, on le remplace. C'est un remplacement. Là, c'est un nouveau lien. Alors, pour moi, c'est clair, c'est un PPP. Alors, dans ce temps-là, étant donné que l'argent du gouvernement est pas vraiment impliqué, ça va dépendre des coûts, peut-être qu'il peut y avoir peut-être une partie qui est assumée par le gouvernement, mais si c'est possible technologiquement à un coût qui peut être raisonnable, ben moi je dirais si SNC-Lavalin veut y aller, ben vas-y, tu sais, avec un payage, ils le financeront, ils vont, eux autres vont établir le tarif en fonction de la ventilation, de l'amortissement. Alors je comprends pas pourquoi est-ce que M. Poitier dit non, je veux même pas faire une étude. T'sais, faisons une étude, puis on pourra voir ce que ça donne. Je pense que il faut pas prendre les solutions de transport de Montréal puis les appliquer à Lévis ou à Québec. C'est deux marchés différents, c'est deux choses différentes. Les voies réservées, peut-être que ça marche à Montréal, pas certain, mais beaucoup de questions au niveau des voies réservées à Québec. C'est pas évident que c'est nécessaire. Alors, il faut faire attention, mais je pense que dans ce cas-ci, ça vaut la peine de regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Ça peut être un moteur économique important pour toute la région, pour Lévis, mais aussi pour toute la région. Au cours des prochaines heures, donc, ton site Internet sera en fonction. Il y a ton équipe qui travaille là-dessus. Évidemment, on comprendra et tu comprendras que tu seras plus chroniqueur pendant une petite secousse. C'est que 3 semaines, là. Ouais, mais si t'es élu, tu reviendras pas, là. Ouais, c'est ça. Donc, il faut que t'espères ne pas revenir. J'espère, pendant 4 ans. L'élection, c'est le 20, hein. C'est le 20 octobre. Donc, bonne campagne pour les gens qui veulent réagir live à tradiowix.com, 1-877-440-2464. Ben, bonne campagne. Si on organise un débat, tu viendras faire un tour. J'aimerais ça avoir un débat. Ça, c'est important qu'il y en ait un. À l'élection générale, on avait peur de moi. On voulait pas avoir de débat avec moi. Et je lance là aussi un défi à Mme Jones et à M. Paradis d'avoir un débat, que ce soit à la Chambre de commerce de Lévis ou n'importe où. Je suis prêt à venir débattre des... Le péquiste existe aussi. Il lève sa main. Là, ouais. Ouais, là, là ça, si le péquiste vient, le Québec solidaire est là, Option nationale, là, il faut louer une chambre, une salle. Mais ça prend un débat parce que actuellement, si on élit François Paradis, est-ce qu'on a vraiment remplacé avec les compétences, parce que quand même, M. Dubé avait beaucoup de compétences au niveau économique, ça prend ça. Mais si on élit Mme Jones, ça change quoi? C'est qu'une députée plus, ça prend une nouvelle voix à l'Assemblée nationale. Ça prend quelqu'un qui va avoir un langage différent et qui se gênera pas pour dire les vraies affaires, pour défendre le contribuable qui est surtaxé puis qui est étouffé par toutes les taxes et les réglementations du Québec. Adrien, au cours des prochaines heures, donc, il y aura point de presse, il y aura également lancement du site Internet. Exactement. Évidemment, tournée média, puis après ça, ben on se lance, on pose des pancartes, puis on va faire du porte-à-porte, puis on rencontre les groupes, les communautés, puis on va serrer les mains, puis on va diffuser notre message. La campagne commence après l'entrevue, qui se termine maintenant. Hey, merci beaucoup, Adrien. Merci de